du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. Salut mes petits loups, vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien dans l'heure du loup, c'est votre playlist Rock and New Wave qui commence comme chaque mardi soir à partir de 19h ou peu s'en faut avec Stéphane pour vous accueillir. 19h ou peu s'en faut disais-je parce que oui je m'excuse un petit peu pour le retard avec lequel commence cette émission mais bon je reviens de Shanghai et je suis en plein décalage horaire donc pardonnez-moi. Bah oui je reviens de Shanghai parce que ce soir c'est une émission consacrée au nouvel an chinois, en tout cas avec une playlist influencée par cette festivité qui a eu lieu pour une bonne partie de la population asiatique. Ce week-end, justement, on a quitté l'année de la chèvre, on rentre dans l'année du singe. Nous, tout ça, on s'en fout, mais je trouve que c'est une coutume assez mignonne et j'avais envie d'y consacrer une playlist, comme je le fais depuis 2 ans sur Osmose Radio. Et pour commencer, disais-je, eh bien, je vous emmenais en Asie avec un bon vieux titre qui transpire bien les années 80, c'était Murray Head avec le titre One Night in Bangkok. Et puisqu'on est en Thaïlande, je vous propose d'y rester pour le moment avec Rational Youth et le titre Holiday in Bangkok. You wanna ride it? Holiday in Bangkok par le groupe Rational Youth. C'était en 83-84, dans ces eaux-là. C'était ce groupe New Wave canadien, synth-pop New Wave des années 80, pour faire suite au morceau d'introduction One Night in Bangkok de Murray Head, qui lui n'est absolument pas canadien, il est britannique, mais bon, tout ça c'est des anglophones qui se sont largement d'ailleurs incrustés en Chine à une époque, je pense évidemment à l'île de Hong Kong. Soyez les bienvenus, chers amis, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Osmose Radio dans l'heure du loup. Ce soir, c'est une playlist consacrée à la Chine, en tout cas à l'Asie en règle générale, à l'occasion du Nouvel An chinois qui a eu lieu ce week-end et auquel donc une bonne partie de la population asiatique, notamment les expatriés et les diasporas ici et là, et aussi chez nous d'ailleurs, s'est invité et s'est convié donc pour mettre fin à l'année de la chèvre et commencer joyeusement l'année du singe. Ça tombe bien, dans l'heure du loup, j'ai l'occasion souvent de vous faire écouter de la musique qui transpire, de la musique de poilu, et j'ai eu l'occasion de faire des blagues au niveau de l'homme de Néandertal. Donc l'année du singe, disais-je, eh bien ce sera tout à fait approprié. Allez donc savoir. Je vous parlais de la Chine, je vous parlais de l'Empire britannique, je vous parlais de Hong Kong évidemment. En ce qui me concerne, je connais relativement peu la musique chinoise, j'en ai appris beaucoup et je vous en ai déjà d'ailleurs passé sur Osmose. Par contre, j'aime bien le cinéma chinois. Et je vous apprendrai rien, chers amis, en disant qu'il y a des réalisateurs de grands talents parmi les cinéastes chinois. Et c'est notamment le cas d'un gars que j'aime bien, qui a fait un de mes films cultes, qui s'appelle Les Anges Déchus, Fallen Angels en version originale, c'est Wong Kar-wai, un réalisateur de Hong Kong qui en 1995 donc, avait fait ce film magistral qui était à la fois très mélancolique et à la fois carrément burlesque de temps en temps et qui est vraiment un petit chef-d'œuvre que je vous recommande. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens sur le Facebook de L'Heure du Loup. Ce film-là se caractérisait notamment par une bande originale assez sympa dont je vous propose d'écouter un extrait ce soir, un extrait par un garçon qui s'appelle Nogabe Randriarimalala, un illustre inconnu d'origine indienne, mais vous savez que Hong Kong est une ville cosmopolite où on retrouve un petit peu toutes les nationalités du monde. Et donc dans ce milieu interlope qu'explore un des personnages du film, qui se trouve être un tueur à gages, eh bien de temps en temps il descend dans les bouges tenues par des Indiens pour buter un patron de bar ou ça. Enfin, vous imaginez un petit peu les films de Tarantino, mais sans la tchatche et avec un côté un peu plus mystique, et donc en Asie du côté de Hong Kong. Et c'est justement dans cette ambiance que je vous propose de nous incruster et de nous plonger ce soir avec ce titre, Nogabe Mariarimalala, avec un extrait de la bande originale du film Les Anges Déchus. I'm gonna get you all, man. Yeah, I'm gonna get you. Manovela de luma para moi. One fiana cabinela. Manova why you love the luma para moi. One girl a camanela. Tona fui de fui. Si sono un me guanela. Vulu, that's what I do. Cosa never give in. Just like the moon does, we rise to shine and fall. Oh, you that I rise and shine, cold and dark and old. What would there be beyond? Brandon Lee par The 69 Eyes, et s'est enchaîné juste avant avec un garçon largement moins connu, lui, Nogabe Randrihari Malala. N'essayez pas de retenir son nom, c'est impossible, de toute manière il n'a pas fait grand chose, mais il a participé sur la bande originale du film Les Anges Déchus par Wong Kar-wai. On écoutait notamment ce morceau Because I'm Cool, qui est, je vous l'accorde, un copier-coller du morceau Karma Coma de Massive Attack qui était sorti un an avant. En fait, il l'a samplé et il a ajouté quelques ambiances un petit peu plus orientalisantes, on va dire. Et The 69 Eyes, eux, c'est un groupe metal que j'aime bien, dont je vous avais déjà parlé, et qui consacrait dans cette chanson à Brandon Lee, le fils du fameux Petit Dragon, puisque je parlais de cinéma chinois, Petit Dragon, Bruce Lee, hein, qui a apporté ses règles de noblesse au genre. Et Brandon Lee, son fils, n'a pas atteint le même sommet du fait aussi qu'il est mort sur un tournage au début des années 90. Et beaucoup de gothiques, notamment, en ont un souvenir ému pour sa prestation dans le film The Crow, un film assez moyen, mais bon, sachant qu'il est mort peu après, ça donne une autre dimension au truc. Voilà. Un acteur chinois aux États-Unis, ben ouais, ça n'a rien d'étonnant. Disais-je, oui, parce que les Chinois se sont largement expatriés. Hein. Les Chinois, c'est comme les Juifs et les Bretons, on en trouve partout. Et bah écoutez, pour le coup, je vais quand même souscrire à la traduction, en traduction, n'importe quoi, tradition, avec une traduction des vœux en chinois. Pardonnez mes fautes de prononciation. Xin yan kuai lei, qin chang qi sheng. Zing. Voilà, en 4 mots, j'ai dû faire 10 fautes de prononciation, mais c'est pas grave, voilà, donc je tenais quand même à vous souhaiter une bonne année, chers amis, en chinois, en tout cas pour les 11 mois qui restent du calendrier grégorien et vers l'infini et au-delà, 2017 et j'en passe. Voilà, voilà, voilà. Quelqu'un qui s'y est peut-être mieux pris que moi quand il s'agit de parler chinois, c'était un autre chanteur britannique, c'était David Bowie, qui lui aussi nous a quittés il y a peu longtemps, et qui, à la fin des années 90, sur l'album Earthling, avait fait une version chantée en mandarin de son titre de cet album, Seven Years in Tibet. 7 ans au Tibet, rien à voir avec le film de Jean-Jacques Hano. Hein. Seven Years in Tibet, donc qui avait été traduit en mandarin dans une tradition un petit peu pas littérale évidemment, peut-être plus poétique dans l'esprit asiatique et qui correspond en fait à un univers saisi dans un instant. C'était ça la traduction littérale en chinois. Et du coup donc David Bowie avait chanté en mandarin. Vous savez qu'en Chine il y a carrément deux langues, le cantonais au sud et le mandarin au nord du côté de Pékin. Et pour le coup voilà, donc c'était la version on va dire promotionnelle destinée aux Chinois de Pékin et du nord de la Chine. Un morceau qui dans sa version originale n'avait pas eu beaucoup de succès, et je ne sais pas ce qu'il en a été pour ce morceau que je vous propose ce soir. Anaïs ou Anaïs, je sais pas comment on peut dire. C'était Les Modules étranges avec la chanteuse Banshee Chuan. Et c'était un extrait de l'album Dusk qui était sorti il y a un an. C'était enchaîné juste avant avec David Bowie et le titre Seven Years in Tibet qui a été chanté en mandarin et non pas en anglais pour le coup. Seven Years in Tibet ou Seven Years in Tibet, je sais pas comment faut dire en anglais. Enfin bon, Tibet quoi, en d'autres termes. Donc Les Modules étranges, alors c'est un extrait d'un album qu'ils avaient sorti l'an dernier. C'est un groupe post-punk assez intéressant sur la scène française qui existe depuis une bonne dizaine d'années et avec des hauts et des bas. Et donc sur ce dernier album, ils avaient pas mal de collaborateurs. Alors Tali Nemesis, dont je vous avais parlé il y a quelques émissions, et cette demoiselle Banshee Chuan, ça fait penser un peu au jeu de l'archiduchesse, c'est assez difficile à prononcer. Donc un pseudo, Banshee Chuan, qui est donc une asiatique de France pour le coup, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la diaspora chinoise est présente un petit peu partout dans le monde et notamment chez nous, et pas seulement dans le 13e arrondissement. Et elle avait participé donc avec ce morceau à cet album des Modules étranges, un groupe qui est originaire de Nantes et dont j'aurai l'occasion de vous reparler un petit peu plus longuement une prochaine fois. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, les amis. Vous êtes bien dans l'heure du loup et on est pour la dernière ligne droite d'une playlist ce soir consacrée à l'Asie à l'occasion du Nouvel An chinois qui a eu lieu ce week-end. La diaspora chinoise est présente un petit peu partout, je vous disais, notamment aux États-Unis. Et notamment, ils illustrent aussi un de leurs fleurons culturels, à savoir la cuisine. Je ne vous apprends rien en disant que les Chinois ont une des meilleures cuisines du monde. Quand on est français, ça fait chier de l'admettre. Et pourtant, c'est la vérité. Eh bien, System of a Down, un groupe métal californien, avait rendu hommage à un des plats typiques de la gastronomie chinoise, mais qui, pour le coup, n'a pas été inventé en Chine, mais aux États-Unis, le fameux chop suey. Suicide. Why? Bonsoir, mon nom est Tintin. Est-ce vous qui m'avez donné rendez-vous ici ? Dites-moi, monsieur, êtes-vous sourd ? Lao Tzu a dit : il faut trouver la voie. Ah oui. Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. À vrai dire, je suis là pour ça. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Est-ce que vous le dites ? Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Quoi ? Voyons, n'ayez pas peur. Cette lame est très bien aiguisée. Non ! Cela ne durera qu'un instant, vous verrez. Voyons, il s'agit simplement de vous couper la tête. Faut pas faire chier Tintin. Non mais Lao Tzu a peut-être dit qu'il fallait trouver la voie, mais on a peut-être encore un petit peu de temps. À l'instant, c'est un extrait évidemment, vous l'aurez reconnu, du Lotus Bleu, hein, le fameuse bande dessinée d'Hergé dans laquelle Tintin s'invite à Shanghai. Juste avant, c'était System of a Down avec le titre Chop Suey. System of a Down, un groupe de métal californien qui rendait hommage à ce plat chinois, mais qui est né aux États-Unis. Pour l'anecdote, voilà, on arrive vers la fin de l'émission, chers amis. On va aller vers des choses un petit peu plus calmes et on va rester dans l'histoire chinoise avec un peuple qui a envahi la Chine et qui a donné carrément une dynastie d'empereurs. C'est le peuple mongol. C'est aussi le nom d'un groupe canadien qui réexplore, mais en musique, cette histoire-là, avec notamment sur l'album Tengri qui était sorti il y a 2 ans. Tengri, en fait, c'est un loup légendaire du folklore mongol, un loup monstrueux, un espèce de demi-dieu qui hante les mythes et les légendes. Et donc dans l'heure du loup, ça tombe bien. Et Mongol, donc c'est aussi le nom de ce groupe canadien de folk metal qui, sur cet album, Tengri explore un petit peu les thèmes des Kubilai Khan, des Genghis Khan et de son général le plus fameux, Subotai, qui était son frère, je crois. Voilà, donc tout ça en musique. Et donc je vous propose d'écouter un extrait tout de suite avec le titre Whispering Winds. Le vent chuchote à votre oreille. Sky, seasons come and they go, all attention to Ah, le thé. L'une des rares félicités de ce monde. Et une oreille sait si bien le préparer. Merci, une oreille. Une oreille est un moine tibétain. Il a écouté quelque chose qu'il ne devait pas entendre et on lui a coupé l'oreille. Mais le thé, il le fait vraiment bien. Moi, je suis aveugle, sourd et muet, général. Comme les trois petits singes. Ça, c'était quelqu'un à qui l'on n'avait pas raconté l'histoire des trois petits singes. Rien vu, rien entendu. Ah bah si, ce soir je vous ai quand même donné à écouter des trucs en rapport avec le thème de la Chine et de l'Asie dans cette playlist de l'heure du loup sur Osmose Radio. À l'instant, c'était un extrait d'un film que j'aime beaucoup, Corto Maltese et la cour secrète des arcanes, où Hugo Pratt situait les aventures de Corto dans la Chine des années 20 en pleine guerre civile. C'était enchaîné juste avant avec un morceau que j'aime bien d'un groupe intéressant, Mongol Whispering Winds. C'est un extrait de l'album Tengri et ça permettait d'explorer un petit peu en musique le thème des invasions mongoles en Chine. Pour l'anecdote, le chant se rapproche un petit peu, ce chant guttural, ce chant propre au death metal souvent, et se rapproche un petit peu des traditions mongoles du chant en continu, un petit peu comme le font le groupe Oun Urtu ou les moines tibétains aussi, dans une autre dimension, ou enfin, en tout cas, dans une autre dimension, je sais pas, mais en tout cas, dans un autre ordre d'idées. Ça se rapprochait et ça se complétait assez bien, il me semble. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une playlist où on dégustera non pas du chop suey, non pas des nems, encore que vous pouvez n'aimer ça. Non, je vous proposerai un cupidon à la broche parce que ce sera mon émission de Saint-Valentin. Voilà, donc les carnivores, vous êtes les bienvenus. Pour nous quitter, chers amis, je vous propose un morceau que j'avais découvert à l'occasion de l'émission spéciale Cambodge et Vietnam que je vous avais proposé l'an dernier. Pour les curieux, elle est toujours disponible sur le site d'Osmose Radio à la rubrique podcast où mon technicien préféré, Abel, l'aimait à disposition avec amour et surtout avec professionnalisme. Et donc je vous propose de nous quitter avec une chanteuse vietnamienne des années 70 qui avait mis en musique, dans une version un petit peu plus rock'n'roll, un chant traditionnel vietnamien. C'est un titre qui signifie devinette, énigme, un truc mélancolique, assez mignon, assez joli. Et je voulais qu'on se quitte avec ça, chers amis, Phuong Dong, avec le titre Do Hai. Bonne année du singe, bonne année tout court, à la semaine prochaine, bisous. Gió đừng dùng cây. Trong